Premier livre des Rois, chapitre 6. Or il arriva qu'en l'année 480, après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, la quatrième année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Zif, qui est le second mois, il bâtit une maison à l'Éternel. Et la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de long, et 20 de large, et 30 coudées de haut. Le porche qui était devant le temple de la maison avait 20 coudées de long, qui répondait à la largeur de la maison, et il avait 10 coudées de large sur le devant de la maison. Il fit aussi les fenêtres à la maison, large par dedans, et rétrécie par dehors. Et joignant la muraille de la maison, il bâtit des appentis de chambre, l'une sur l'autre tout alentour, appuyés sur les murailles de la maison, tout autour du temple, et de l'oracle, ainsi il fit des chambres tout alentour. La largeur de l'appentis d'en bas était de 5 coudées, et la largeur de celui du milieu était de 6 coudées, et la largeur du troisième était de 7 coudées, car il avait fait des rétrécissements en la maison par dehors, afin que la charpenterie des appentis n'entra pas dans les murailles de la maison. Or en bâtissant la maison, on la bâtit de pierre amenée toute telle qu'elle devait être, de sorte qu'en bâtissant la maison on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer. L'entrée des chambres du milieu était au côté droit de la maison, et on montait par une vis aux chambres du milieu, et de celle du milieu à celle du troisième étage. Il bâtit donc la maison, et l'acheva, et il couvrit la maison de lambris en voûte, et de poutres de cèdre. Et il bâtit les appentis joignant toute la maison, chacun de 5 coudées de haut, et il tenait à la maison par le moyen des bois de cèdre. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Salomon, en disant, « Quant à cette maison que tu bâtis, si tu marches dans mes statuts, et si tu fais mes ordonnances, et que tu gardes tous mes commandements, en y marchant, je ratifierai en ta faveur, la parole que j'ai dite à David ton père. Et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Ainsi Salomon bâtit la maison, et l'acheva. Il lambrissa d'aise de cèdre, les murailles de la maison par dedans, depuis le sol de la maison jusqu'à la voûte lambrissée, il les couvrit de bois par dedans, et il couvrit le sol de la maison d'aise de sapin. Il lambrissa aussi l'espace de 20 coudées d'aise de cèdre fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murailles, et il lambrissa cet espace au-dedans pour être l'oracle, c'est-à-dire, le lieu très saint. Mais la maison, savoir le temple de devant, était de 40 coudées. Et les aides de cèdre qui étaient pour le dedans de la maison, étaient entaillées de boutons de fleurs épanouies, relevées en bosses, tout le dedans était de cèdre, on n'y voyait pas une pierre. Il disposa aussi l'oracle au-dedans de la maison vers le fond, pour y mettre l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Et l'oracle avait par devant 20 coudées de long, et 20 coudées de large, et 20 coudées de haut, et on le couvrit de fin or, on en couvrit aussi l'autel, fait d'aise de cèdre. Salomon donc couvrit de fin or la maison, depuis l'entre-deux jusqu'au fond, et fit passer un voile avec des chaînes d'or au devant de l'oracle, lequel il couvrit d'or. Ainsi il couvrit d'or toute la maison entièrement. Il couvrit aussi d'or tout l'autel qui était devant l'oracle. Et il fit dans l'oracle deux chérubins de bois d'olivier, qui avaient chacun 10 coudées de haut. L'une des ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, et l'autre aile du même chérubin avait aussi 5 coudées, depuis le bout d'une aile jusqu'au bout de l'autre aile il y avait 10 coudées. L'autre chérubin était aussi de 10 coudées, car les deux chérubins étaient d'une même mesure, et taillés l'un comme l'autre. La hauteur d'un chérubin était de 10 coudées, de même que celle de l'autre chérubin. Et il mit les chérubins au-dedans de la maison vers le fond, et on étendit les ailes des chérubins, en sorte que l'aile de l'un touchait à une muraille, et l'aile de l'autre chérubin touchait à l'autre muraille, et leurs autres ailes se venaient joindre au milieu de la maison, et l'une des ailes touchait l'autre. Et il couvrit d'or les chérubins. Et il entailla toutes les murailles de la maison tout autour de sculptures bien profondes de chérubins, et de palmes, et de boutons de fleurs épanouies, tant en la partie du dedans, qu'en celle du dehors. Il couvrit aussi d'or le sol de la maison, tant en la partie qui tirait vers le fond, qu'en celle du dehors. Et à l'entrée de l'oracle, il fit une porte à deux battants de bois d'olivier, dont les linteaux et les poteaux étaient de 5 membres. Il fit donc une porte à deux battants de bois d'olivier, et entailla sur elle des moulures de chérubins, de palmes, et de boutons de fleurs épanouies, et les couvrit d'or, étendant l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit aussi à l'entrée du temple des poteaux de bois d'olivier, de 4 membreurs, et une porte à 2 battants de bois de sapin. Les 2 pièces d'un des battants étaient brisées, et les 2 pièces de l'autre battant étaient aussi brisées. Et il y entailla des chérubins, des palmes, et des boutons de fleurs épanouies, et les couvrit d'or, proprement posés sur les entailleurs. Il bâtit aussi le parvis de dedans de 3 rangées de pierres de taille, et d'une rangée de poutres de cèdre. La 4e année, au mois de Zif, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois d'Obul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée avec toutes ses appartenances et ses ordonnances, ainsi il mit 7 ans à la bâtir.